الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء والمرسلين et que les prières et les salutations soient pour l'émir des prophètes et des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs en islam. نتابع دروسنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On va poursuivre nos cours de biographie ou de la vie du prophète, paix et salut sur lui, la sira. لما صار أبرهة الأشرم ملكا على اليمن وهو نصراني, lorsque Abra al-Ashram est devenu un roi pour le Yémen et il fut chrétien, Amara bibina'i kanisatin azima. Il donna ses ordres de construire une église géante, très très grande et très haute, tusamma al-Qullays, qui sera appelé al-Qullays. وفكر أن يحج إليها العرب بدل مكة. Son idée était la suivante, c'est de demander aux Arabes de remplacer ou de déplacer leur pèlerinage de la Mecque vers Al-Qullays, de la Kaaba vers Al-Qullays, de la maison sacrée, de la mosquée sacrée vers l'église du Yémen. وبدأ البناء. Et la construction ou les travaux de construction commencèrent. Natruku ahl al-Yaman wa bina'ahum. On va laisser les gens du Yémen et leurs travaux de construction de leur grande église. Wa na'udu ila Mecca. Et on va revenir rapidement vers la Mecque. Tazawwaja Abdullah Amina. Abdullah se maria avec Amina. بقي معها مدة قليلة. Il resta avec elle une courte durée. ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر حسب الروايات. Selon les versions, soit trois jours ou trois mois. وسافر إلى المدينة. Par la suite, il voyagea vers Médine في مهمة pour accomplir une mission. وهي الإتيان بالتمر لأهله. La mission était d'amener des dattes pour sa famille, pour sa grande famille, pas la petite seulement. فذهب عند بني النجار. Il partit chez les بنو النجار, les fils de النجار. أخوال أبي عبد المطلب, si vous vous rappelez, c'était les بنو النجار sont les oncles maternels de son père Abdul Muttalib. Donc il était au prix de la famille. لم يبقى مع زوجته آمنة كثيرا. Donc il ne resta pas longtemps ou très longtemps avec sa femme Amina. وهكذا فأوقات الفرح لا تدوم في الدنيا طويلا. Et ainsi les moments de plaisir, les moments de joie auprès des proches, auprès des bien-aimés, ne dure pas trop longtemps dans la vie ou dans ce bas monde. وفارق الزوج الشاب زوجته الشابة. Et le mari, le jeune mari, quitta sa jeune femme. وذهب عبد الله على أمل العودة سريعا. Il partit avec l'espoir de revenir le plus tôt possible, de revenir rapidement, de finir cette mission et revenir. ليلتقي بزوجته آمنة من جديد, afin de rencontrer de nouveau sa femme Amina. وبقيت آمنة تنتظر رجوع زوجها بمكة إلى مكة. Et Amina resta dans la Mecque en train d'attendre le retour de son mari. وَمَا أَطْوَلَ وَقْتَ الْإِنْتِظَارِ. Et combien la période ou la durée d'attente ou les moments d'attente sont longs ou longs. Le temps ne veut pas passer. Lorsqu'on attend, on trouve que le temps devient très très très très long à passer. وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يَعْرِفْ فِي سَفَرِهِ بِأَنَّهُ يَبْتَعِدُ نِهَائِيًّا عَنْ مَكَّةَ وَعَنْ زَوْجَتِهِ. Abdullah, lorsqu'il commença son voyage, ne savait pas que chaque pas fait l'éloigne définitivement de ses origines et de sa famille et de son pays. Comme quoi il ne va plus jamais revenir. وَلَمْ تَكُنْ آمِنَةً وَهِيَ تُوَدِّعُ زَوْجَهَا تَعْرِفُ أَنَّهَا لَمْ تَرَاهُ مَرَّةً تَانِيَةً. Et Amina ne savait pas lorsque elle salua son mari, comme quoi ça va être la dernière fois qu'elle va le voir. وَطَالَ انْتِظَارُ آمِنَا شَهْرًا. Et l'attente de Amina durera un mois. أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ. En ce qui concerne Abdullah, lorsqu'il arriva à Médine, أَصَابَهُ الْمَرَضُ وَجَلَسَ فِي بَيْتِ بَنِ النَّجَّارِ. Il est tombé malade, Abdullah, lorsqu'il arriva à Médine, il tomba malade et pour se soigner, il resta dans la maison de Banu Najjar, sa famille. وَرَجَعَ رِفَاقُهُ وَتَرَكُهُ بِالْمَدِينَةِ. Après une attente, ses compagnons, ses amis de voyage, revinrent vers la Mecque et le laissèrent sur le lit de la maladie. فَأَخْبَرُوا أَبَهُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ. Ils ont informé son père, عَبْدُ الْمُطَّلِبِ, بِأَنَّهُ بَقِيَ مَرِيدًا فِي يَثْرِبِ. Comme quoi son fils Abdullah est resté malade à Yathrib, la ville de Yathrib. وَوَصَلَ الْخَبَرُ إِلَى آمِنَةً. Et l'information arriva jusqu'à Amina. كانت تنتظر مجيئة. Elle attendait sa venue. وعندها مفاجأة جميلة له بأنها حامل. Elle avait une belle surprise pour lui. Elle est tombée enceinte. وبدل أن يأتي أتت فقط أخبار مرضه. Et au lieu qu'il arrive, c'était uniquement les informations de sa maladie qui sont arrivées. وأحست بالحزن. Elle ressentit la tristesse, le chagrin. وأرسل عبد المطلب بسرعة كبير أولاده الحارث إلى حبيبه وصغيره عبد الله. عبد المطلب en toute vitesse envoya le plus grand de ses enfants al-Harith pour voir à Médine son petit et bien-aimé Abdullah. وفي المدينة في مدينة يثرب et dans la ville de يثرب وعلى فراش المرض كان ينام عبد الله. Et sur le lit de la mort ou de la maladie dormait Abdullah. بعيدا عن أرضه, loin, très loin de sa terre. بعيدا عن أبيه, très loin de son père. بعيدا عن إخوته وأعمامه, très loin de ses frères et ses oncles. وخصوصا بعيدا عن زوجته, et surtout très loin de sa femme. كان يريد الرجوع بسرعة. Il cherchait à revenir en vitesse, rapidement. ولكن منعه المرض. Et voici la maladie qui l'empêcha. واشتدت عليه الحال. Sa situation est devenue grave jour après jour. وفاضت روحه. Et son âme déborda. لتصعد إلى السماء. Pour monter enfin vers le ciel. وعمره 25 سنة. À l'âge de 25 ans. Taraka khamsata ibil. Son héritage était qu'il a laissé au tarikatu khamsata ibil, 5 chameaux, qit'a min al-ghanam, un troupeau de moutons, jariya habashiya, une servante de, comment dire, éthiopienne, ismuha Baraka, qui s'appelait Baraka, wa kunyatuha Ummu Ayman. Elle s'appelait aussi Ummu Ayman, wa satakunu hadinat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Elle sera la nourrice du prophète, paix et salut sur lui. Mata Abdullah, fi ray'ani shabab. Abdullah mourut en pleine jeunesse. Et comme s'il a vécu uniquement pour accomplir une mission. Lorsqu'il a fini la mission, il devait quitter ce monde. Parce que ça y est, la mission est achevée. Sa mission, c'est qu'il possédait un dépôt divin. فَلَمَّا سَلَّمَ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ آمِنَةَ مَتْ. Et lorsqu'il passa le dépôt vers Amina, il décéda. وَهَذَا الَّذِي جَرَى لِعَبْدِ اللَّهِ هُوَ الَّذِي جَرَى لِوَلَدِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. Ce qui a été ou ce qui est passé ou arrivé à Abdullah, il arriva par la suite à son fils Mohammed, paix soit sur lui. كانت عنده مهمة. Mohammed, paix soit sur lui, avait été chargé d'une mission. هي تبليغ الرسالة والقرآن. C'était la transmission du message et du Coran qui descendait jour après jour. فلما انتهت الرسالة والقرآن. Lorsque la mission a été ou est devenue finie. Il n'y a plus de message qui venait du ciel. Il n'y a plus de Coran qui descendait du ciel. Et lorsque la religion s'acheva, l'ange de la mort descendit vers Mohammed, paix soit sur lui, pour lui donner le choix. Entre la vie éternelle, on allait le voir, entre la vie éternelle et le paradis par la suite, ou bien rencontrer le compagnon très haut et le paradis. فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء الله. Et il a choisi, paix soit sur lui, la rencontre avec Dieu. أخي, أختي, frère, sœur, رأيت. As-tu vu? Chacun a une mission. As-tu pensé à ta mission? Quelle est ta mission dans ce monde, dans ce bas monde? Quel est ton rôle à toi? Quelle est ton utilité? Qu'as-tu fait dans le passé, dans ta vie passée? Et qu'est-ce que tu vas faire? Les salih al-muslimin, les salih al-islam, les salih al-bashariyah, pour le bien de l'islam. Qu'est-ce que tu vas faire pour le bien de l'islam? Pour le bien des musulmans? Pour le bien de l'humanité entière? Am anta تأكل وتشرب وتعيش لشهواتك وملذاتك. Ou bien es-tu en train de manger, de boire et de vivre pour tes plaisirs et tes désirs? أقول لك, je te dis, ترفع عن هذا. Mets-toi au-dessus de ceci. إن الله خلقك لأفضل من ذلك. Dieu t'a créé pour mieux que ça. أفق من غفلتك. Réveille-toi de ton inattention. Istayqid min nawmik. Réveille-toi de ton sommeil. Wa wasala al-harith ila al-Madina. Et al-harith atteignit ou arriva à Médine, فوجد أخاه عبد الله, il trouva son frère عبد الله ميتا ومدفونا, mort et enterré. فلما وصل الخبر إلى مكة, lorsque l'information arriva jusqu'à la Mecque, حزن الأب عبد المطلب وكل الإخوة, le père عبد المطلب, les frères, les oncles, tout le monde est devenu triste. وخصوصا زوجته آمنة, et surtout sa femme آمنة qui l'attendait. وأمام الموت ليس هناك شيء ينفع إلا الصبر, et devant la mort il n'y a pas quelque chose utile, vraiment utile, à part la patience. وعزاؤها الوحيد, la seule chose qui l'a consolé, أنه إن مات فقد ترك لها ولدا في بطنها. S'il est mort maintenant, il lui a laissé une trace, un enfant. وستهدي كل حياتها لهذا الولد. Et elle va dédier toute sa vie pour cet enfant. أترك أهل مكة في حزنهم وغمهم. Je laisse les Mécois dans leur deuil et tristesse. وأعود إلى اليمن. Et je reviens rapidement vers le Yémen. فقد انتهى بناء القليس. Voici القليس, où la construction, les travaux de construction sont achevés. الكنيسة, القليس, هذه الكنيسة العظيمة. القليس, cette géante église. وكان الهدف كما قلت من بنائها هو منافسة البيت الحرام. Cette église a été construite pour le but était de concurrencer la maison sacrée de la Mecque. وأن يحج العرب إليها بدل مكة, et que les Arabes fassent leur pèlerinage vers elle et pas vers la Mecque. فذهب إليها رجل عربي, un homme arabe parti, ou comment dire, fit ce voyage vers cette église. ودخلها ليلا, il y entra pendant la nuit. وقضى فيها حاجته, et il a fait ses besoins dans l'église. ولطخ قبلتها بالغائط, et après il a sali toute la direction, le mur de la direction de leur prière, par les selles. وهرب إلى بلاد العرب, et prit la fuite par la suite vers la terre arabe. ووصل الخبر إلى الملك أبرهة, l'information arriva vers le roi Abraham. فأحس بالإهانة, il sentit une grande, ou il ressentit une grande humiliation. واشتد غيظه, il s'énerva, sa colère est devenue grande. وفكر في الانتقام من العرب, et il pensa à se venger, à bien se venger des Arabes. كان يحتاج لسبب واحد لغزو بلاد العرب, il manquait, ou il avait besoin d'une seule cause pour envahir la terre arabe. وأعطاه هذا الرجل العربي العذر لذلك, et cet homme arabe lui offrit cette excuse ou cette cause. وهكذا تبدا الحروب في التاريخ, في التاريخ القديم وفي التاريخ المعاصر. Et de la même manière, les guerres se déclenchèrent dans le passé lointain et dans le présent, et de la même manière dans le futur. دائما بسبب رجل او جماعه من الرجال لا يفكرون, لا يحسبون الحساب كما يجب, تقع أخطاء وتبدأ حروب. Souvent à cause d'un homme ou d'un groupe d'hommes qui font un acte sans réfléchir, sans bien calculer, par la suite il y a des guerres. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل واحد عربي سيدخل المنطقة كلها في الحرب. Un seul homme arabe va faire entrer la région du Moyen-Orient dans la guerre. Une guerre pour laquelle les tribus n'étaient pas préparées. يعني حرب ما كانت القبائل مستعدة لها وحرب ليست في طاقة القبائل العربية. Une guerre qui n'est pas, où les tribus à l'époque, les tribus arabes n'étaient pas au niveau de cette guerre. Et ce n'est pas les chefs des tribus qui ont voulu la guerre, mais ils seront poussés vers la guerre à cause d'un seul. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. خرج فأمر بإعداد الجيش. Le roi chrétien ordonna ou donna les ordres que l'armée se prépare pour aller vers la Mecque. وخرج من اليمن على رأس 60,000 مقاتل. Il quitta le Yémen à la tête d'une armée qui comptait 60,000 combattants. فكرة أعطيكم فكرة جوفضوني نيدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة, le prophète paix soit sur lui, lorsqu'il a conquis la Mecque, كم كان عدد المقاتلين, combien son armée comptait comme soldats, 10,000, 10,000, Abraha 60,000, Abraha accompagné de 60,000 soldats de guerre professionnel. النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف فتح مكة. Le prophète paix soit sur lui, avec 10,000 il a conquis sans guerre la Mecque. Que dire d'une armée de 60,000 combattants. C'était pour vous donner une idée. هذا الجيش معهم الفيل المسمى محمود. Cette armée comptait ou avait avec elle l'éléphant qui s'appelait Mahmoud. Mahmoud. وكلما قاومته قبيلة عربية هزمها أبرهة وجنوشه. Et chaque fois qu'une tribu faisait la résistance à l'avancement de l'armée d'Abraha, Abraha écrasait avec son éléphant, avec ses soldats, la tribu. حتى خافه العرب, jusqu'au point que les Arabes ont eu peur, vraiment peur de lui, et personne ne voulait le combattre à la fin. Et il finit, il continua son chemin vers la Mecque en toute tranquillité. Les tribus quittaient leur tribu jusqu'à ce qu'ils passaient. يعني كانت القبائل تخرج من القبيلة حتى يمر. ليس لهم طاقة بقتال هذا الرجل. Il n'avait pas, les Arabes n'avaient pas les moyens ni la capacité de combattre cette armée de 60,000 hommes. وفي ضاحية مكة, et dans la banlieue mécoise, أخذ الجيش إبل أهل مكة. L'armée confisqua ou prit tous les chameaux qui se trouvaient, les chameaux des gens de la Mecque qui se trouvaient dans la banlieue. Et parmi les chameaux saisis, il y avait 200 chameaux de Abdul Muttalib. فماذا سيفعل عبد المطلب؟ Que va-t-il faire عبد المطلب؟ هل يترك إبله لأبراه؟ Va-t-il laisser ses chameaux à Abraha? وهو الذي لم يترك بئره زمزم لقريش. Lui, c'est-à-dire Abdul Muttalib, qui n'a pas abandonné son puits de Zamzam à Quraysh à l'époque. وهو الذي لا يقبل الإهانة. Lui, Abdul Muttalib, qui n'accepte pas l'humiliation. فخرج من غير خوف ولا انتظار. Il sortit de la Mecque sans attendre et sans crainte, sans terreur, إلى Abraha, pour rencontrer Abraha. فلما رآه الملك أبراها, lorsque le roi yéménite Abraha le vit, احترمه وقدره, il le respecta et l'apprécia à sa juste valeur. ونزل من فوق سريره الملكي, il descendit du haut de son lit royal, وجلس مع عبد المطلب على البساط, et s'assit à côté de Abd al-Muttalib sur le tapis. وقال له ما حاجته, il lui dit, quel est ton besoin, de quoi as-tu besoin? قال عبد المطلب, عبد المطلب répondit, جئت لأخذ 200 بعير لي أصابها جنودك, je suis venu pour reprendre mes 200 chameaux que tes soldats ont saisi. فقال أبرهة, أبرهة répondit, لقد أعجبتني لما رأيتك, vraiment tu m'as plu lorsque je t'ai vu pour la première fois. ولكن لما تكلمت سقطت في عيني, mais lorsque tu as parlé, tu es tombé de mes yeux. أتكلمني في 200 بعير لك أخذها الجيش, tu es en train de me parler de 200 chameaux à toi saisis par mon armée. وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك, et tu laisses une maison qui représente ta religion, la religion de tes parents. قد جئت لأهدمه ولا تكلمني فيه, cette maison pour laquelle je suis venu, ça veut dire pour la détruire, et tu ne me parles pas dans ce sujet ou à propos de ce sujet. فقال عبد المطلب, et عبد المطلب dit, إني أنا رب الإبل, certes je suis le maître des chameaux, وإن للبيت ربا سيمنعهم, et certes la maison sacrée a un maître qui la protégera. أنا رب الإبل, je suis le maître des chameaux, mais je ne suis pas le maître de la maison. La maison a son propre seigneur qui va la protéger. Al-Asl, en principe, هذا الرجل النصراني, cet homme chrétien, لما يسمع هذا الكلام, lorsqu'il entendit ce genre de parole, كان عليه أن يرجع, il devait revenir, parce qu'il allait attaquer, il allait détruire une maison de Dieu. Lui qui est chrétien, il croit à Abraham, ou il croyait à Abraham comme fondateur de cette maison. Donc il ne devait pas toucher à cette maison. Il devait revenir, et en plus, la Kaaba n'a rien fait. Elle était innocente. ولكن لم يرجع. ووقف فرد أبرهة على عبد المطلب إبلا. أبرهة rendit les 200 chameaux à عبد المطلب. ودخل عبد المطلب إلى مكة. Et عبد المطلب entra dans la Mecque. وأمر أهلها بالصعود إلى الجبل. Il demanda à tous les habitants de monter vers la montagne, ou les montagnes qui entouraient la Mecque, parce que la Mecque se trouve entourée de montagnes. المحيط بمكة حتى لا يمسهم سوء, ainsi aucun mal ne peut les toucher ou les atteindre. ووقف عبد المطلب بجانب الكعبة, et عبد المطلب se mit à côté de la Kaaba, داعيا الله أن يحميها, appelant Dieu à la protéger. ثم خرج إلى الجبال, et après il sortit vers les montagnes. ووسط الناس فوق الجبال, et parmi les gens au-dessus des montagnes, كانت هناك امرأة, il y avait une femme, حاملا, enceinte, إنها آمنة, il s'agit d'آمنة, لقد فقدت زوجها, elle a perdu son mari, ولا تريد فقد ولدها, et maintenant elle ne cherche pas, ou elle ne cherchait pas à perdre son enfant, إنها في شهرها السابع, elle fut dans le septième mois de grossesse. ولكن كيف استطاعت صعود الجبل, mais comment elle a pu faire pour monter vers le sommet de la montagne, وهي في الشهر السابع, et elle était dans le septième mois. الجواب سهل, la réponse est facile, إنها تحمل محمد صلى الله عليه وسلم, elle portait dans le ventre محمد, paix soit sur lui, الذي أراده الله رحمة للعالمين, voulu par Dieu comme miséricorde universelle pour les univers. ف فكيف يكون رحمة للعالمين؟ Comment allait-il être une miséricorde pour les univers ou عذاب لأقرب الناس إليه؟ Et en même temps un châtiment, une souffrance pour les personnes les plus proches à lui, pour sa maman. تقول آمنة في شهادتها. آمنة dit dans son témoignage. لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته. كأنها كانت تحمل الريح. لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته. Je l'ai porté dans mon ventre et il ne m'a causé aucune souffrance jusqu'à ce que je l'ai déposé. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ô notre Seigneur, que tes prières, tes salutations, bénédictions soient pour notre maître Muhammad. Laqad kana mubarakan. Il fut béni. Wal barakatu al-ilahiyya turafiquhu أينما كان حتى في بطن أمه. Il était béni et la bénédiction divine l'accompagnait là où il était, même dans le ventre de sa mère. وسترافقه طول حياته كما سنرى إن شاء الله. Et la bénédiction divine va l'accompagner durant toute sa vie, comme ce qu'on va voir prochainement, إن شاء الله, si Dieu le veut. وفي الغد, le lendemain, توجه الجيش إلى مكة. L'armée yéménite se dirigea vers la Mecque. فلما وصلوا وادي محسر, lorsqu'ils arrivèrent au lieu géographique qui s'appelait la vallée de محسر بين المزدلفة ومنن, الناس الحجاج, pour les pèlerins c'est entre مزدلفة et منن. C'est là où il y avait la vallée de Muhassir. Barak al-filu, alladhi sayahdimu al-Ka'ba. L'éléphant, le mammouth, baraka, s'accroupit. L'éléphant destiné à détruire la Ka'ba. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. Man alladhi khalaqa al-fil. Qui a créé l'éléphant? Allahu am Abraha. Dieu ou Abraha? Man sayuti'u al-fil? A Allah am Abraha? L'éléphant va-t-il obéir à qui? A Allah ou à Abraha? Abraha yaqulu lil-fil taqaddam. Abraha disait à l'éléphant avance. Wallahu yaqulu lahu la tataqaddam. Et Dieu lui disait n'avance pas. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. Akhi, ukhti, frère, sœur, ra'it, as-tu vu? Al-fil, al-haywan, yuti'u awamir Allah. L'éléphant, l'animal, obéit aux ordres de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu al-bashar, na'asillah. Et nous, les humains, on n'est pas des animaux. Nous, les humains, ont désobéi à Dieu, ont désobéi aux ordres de Dieu. Na'asi awamir Allah. Wa hawala al-junud marratin ma'a al-fil. Les soldats essayèrent à plusieurs reprises avec l'éléphant. Idha wajjahuhu ila kulli al-jihad yataqaddam. Lorsqu'on le dirigea vers toutes les directions, il avança. Wa idha wajjahuhu ila makkata baraka. Mais lorsque on le dirigeait vers la Mecque, il baraka, il s'accroupit. Wa fi hadhihi al-lahadhat, en ce moment précis, aqla'at ta'iratun harbiyya, des avions militaires décollèrent. Min qawa'id ilahiyya bahriyya, de bases divines, à partir de leur base divine aquatique. موجودة في البحر الأحمر, des bases divines qui se trouvaient cachées dans la mer rouge. كل طائرة محملة بثلاث صواريخ. Chaque avion portait trois missiles ou chargé de trois missiles. صواريخ جو أرض, des missiles air-sol. وتوجهت الطائرات بسرعة كبيرة إلى جيش أبرهة. Les avions de chasse se dirigèrent avec toute vitesse ou en toute vitesse vers le lieu où se trouvait l'armée d'Abraha. Il est 60,000 من المقاتلين vers les 60,000 des combattants professionnels. الذين أخافوا العرب. Ces combattants professionnels qui ont fait peur aux Arabes. إن للبيت ربا يحميه. Certes, il y a un seigneur, il y a un maître pour la maison qui va la protéger. الطائرات وهذه الطائرات لما وصلت بدأت تضرب. Et à leur arrivée, les avions de chasse bombardaient tout le monde avec leurs missiles. الطائرات كانت طيرا صغيرا كالخطاطيف. Les avions n'étaient que des petits oiseaux, comme des hirondelles. أتت من البحر الأحمر, venus de la mer rouge. والصواريخ كانت أحجارا صغيرة. Les missiles n'étaient que des petits cailloux. كل واحدة كالعدس, حبة العدس. Chaque caillou avait la taille ou le volume ou ce que vous voulez d'une lentille. وكل طائر يحمل ثلاثة أحجار. Chaque oiseau portait ou était chargé de trois cailloux. واحدة في منقار. Un caillou ou une petite pierre dans le bec. واثنين في رجليه. Et deux pierres dans les pattes. ويرمي الأحجار. Et chaque oiseau, lorsqu'il arrivait, il jetait les missiles. Il bombardait avec les missiles. Les petites pierres, les lentilles. Et Dieu fit venir un vent fort, très fort. Un vent qui donnait une grande vitesse, une grande force aux pierres lâchées par les oiseaux. فكانت تدخل في أجسام الجنود. Et les petites pierres transpercées, entrées, pénétrées dans les corps des soldats. وكل من أصابته حجرة يسقط ميتا بإذن الله. Et chaque personne touchée par une petite pierre tombait mort grâce à Dieu سبحانه وتعالى. فسبحان الله. Gloire et pureté à Dieu. البحر الأحمر كان سببا في هلاك فرعونين. Gloire et pureté à Dieu. La mer rouge était la cause de la mort de deux pharaons. البحر الأحمر كان سببا في هلاك فرعونين. La mer rouge était la cause de l'élimination de deux pharaons. فرعون ومصر. بالغرق. Pharaon d'Égypte par la noyade. وفرعون اليمن بالطيور. Et Pharaon du Yémen par les oiseaux. وهربت جنود فرعون اليمن. Et voici maintenant les soldats professionnels de l'armée d'Abraha, le pharaon du Yémen, qui prirent la fuite. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, هل أتاك حديث الجنود؟ نعم يا رب أتانا حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. هل أتاك حديث الجنود؟ جنود فرعون. وأي فرعون؟ جنود فرعون وثمود. نعم أتانا يا رب الحديث. فنحن نقرأه. T'est-il parvenu le récit des armées, des hommes de Pharaon et de Thamoud? Oui, notre Seigneur, ce récit nous est parvenu. Et il dit le Très-Haut, parfaitement capable de faire ce qu'il veut, ou faiseur de ce qu'il veut. Il dit, le Très-Haut dit dans un autre verset coranique, quand ton Seigneur frappe, il frappe très durement, ou bien le raid de ton Seigneur est très sévère. فعال لما يريد فزور دو سو كيل فو هربت جنود أبرهة هربت جنود أبرهة فرعون اليمن من جنود الله et devant les soldats de Dieu les soldats de Pharaon du Yémen prirent la fuite من الطيور ils ont pris la fuite de qui de devant qui devant des petits oiseaux قال تعالى Dieu le très haut dit dans un verset coranique وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر هذا الشيء الذي نحكيه من كل الانتصارات الربانية ما هي إلا ذكرى للبشر Ton Seigneur est seul à connaître ses armées. Ce n'est là qu'un rappel aux humains. هذه القصة وأمثالها ما هي إلا درس للبشر من طرف الله تعالى وتبارك Cette histoire et les histoires pareilles ne constituent qu'une leçon de la part de Dieu donnée aux humains. وتساقط الجنود موتى في طريق العودة إلى اليمن et les soldats tombèrent comme morts lors du chemin du retour vers le Yémen. ومن لم يموت وعلى رأسهم أبرهة et parmi les non-morts et à leur tête أبرهة تساقطت أعضاؤهم في الطريق عضوا وعضوا وهم ينظرون. Leurs membres, leurs organes chutèrent, tombèrent un après l'autre devant leur vie, devant leur vue. Chacun voyait ses membres et ne pouvait pas retenir ses membres. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose dans les pierres. Et la chose est venue de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui a voulu. Donc les membres tombèrent, chutèrent vers la terre, un après un. Et à la fin, il reste zéro. À la fin, il n'y a plus de soldats professionnels. Tout le monde finissait par devenir comme de la paille, mangée par des vermines, comme de la viande hachée, si vous voulez. وفي اليمن سقط أبرهة ميتا et au Yémen parmi les derniers qui vont mourir au Yémen c'était Abraha l'empereur, le roi le tyran, le pharaon Abraha tomba mort devant les habitants du Yémen devant le peuple du Yémen il tomba mort أمام قومه كما أخرج الله جثة فرعون المصري من البحر ليراها بنو إسرائيل Comme Dieu dans le passé fit sortir le cadavre de Pharaon l'Égyptien de la mer pour qu'il soit vu par les Benou Israël, par les fils d'Israël, parce qu'ils n'ont pas cru que Pharaon est mort ou était mort. De la même manière, لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ مَاتْ فِعْلًا بِنَفْسَ الطَّرِيقَ De la même manière, لَمْ يَسْقُطْ أَبْرَهَ إِلَّا فِي الْيَمَنِ Abraham ne tomba qu'au Yémen. لِيَعْلَمَ شَعْبُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ حَقًا Afin que son peuple s'assure comme quoi leur roi est tombé devant eux mort. يَا أَبْرَهَ أَيْنَ قُوَّتُكَ Ô Abraham, où est ta force أَفِنْ قُوَّتُكَ أَخُوْيَا أَيْنَ قُوَّتُكَ Où est ta force d'hier أين جنودك Où sont-ils tes soldats أين فيلك محمود Où est ton éléphant Où est le mammouth قال تعالى Dieu le très haut dit dans un verset coranique وفرعون ذي الأوتاد Et Pharaon aux épieux Ou bien Et Pharaon aux pyramides Celui qui a construit les pyramides الذين طغوا في البلاد qui ont rempli le pays de leur tyrannie فأكثروا فيها الفساد ils y installèrent la corruption en abondance فصب عليهم ربك سوط عذاب Dieu déversa imaginez le verbe déversa déverser Dieu déversa alors sur eux un fouet de châtiment un fouet de châtiment ثم قال تعالى مهددا كل فراعنة المستقبل. Et après Dieu lance là dans le verset suivant, une menace, un avertissement à tous les pharaons du futur. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Et tous les pharaons, ça y est. أنا أعطيتكم مثال عن فرعون مصر ولكن كل فرعون يتفرعن فأنا له بالمرصاد إن ربك لبالمرصاد certes ton seigneur demeure très vigilant, c'est-à-dire vis-à-vis à chaque pharaon qui va apparaître dans le futur. فإذا رأيت أحدا تفرعن في البلاد بظلمه للعباد. Si tu vois un jour quelqu'un qui se tyrannise, qui devient un tyran par ses injustices envers les serviteurs, ظالم لزوجته, tyran envers sa femme, ظالم لأولاده, un injuste envers ses enfants, لجيرانه envers ses voisins, لأصحابه envers ses amis, أو لغيره ou pour autrui. فَنْظُرْ عَاقِبَتَهُ. Regarde sa fin. Suis-le. Et regarde comment il va finir. فَنْظُرْ وَنْظُرْ. Attends et regarde la fin. وَغَالِبًا وَغَالِبًا مَا يُهْلِكُ اللَّهُ الْفَرَاعِنَةَ بِأَصْغَرِ خَلْقِهِ. Et souvent que Dieu détruit, anéantit, élimine, tue les pharaons par les plus petites de ses créatures. Pharaon du Yémen, le pharaon du Yémen, c'était avec les petits oiseaux, avec les petites pierres. Amma pharaon al-Irak, tandis que le pharaon irakien, al-Namroud ibn Kanaan, le Namroud ou il Namroud, fils de Kanaan, الذي أمر بإحراق إبراهيم عليه السلام, celui qui a donné les ordres en Irak pour brûler vif Abraham, paix soit sur lui, أرسل الله إليه وإلى جنوده. Dieu envoya vers lui et vers son armée دبابات, des chars, طائرات بالمعقول, des avions, des vrais avions, لا ذُبَابًا صَغِيرًا, de petites mouches. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ الَّذِي يَخْتَارَ الْجُنُودَ الَّتِي يُحِبِ. يقول لك أنت فرعون والله أرسل لك الدبانة وجيب فليتوكس. فأرسل إليه وإلى جنوده ذُبَابًا صَغِيرًا. لماذا؟ ليستهزئ به أمام العالم. أنت فرعون, أنت تتفرعن, أنا أرسل إليك أصغر خلقي ولا تستطيع له حربا, فكيف معي أنا الله. Il lui envoya des petites mouches, غطى الشمس, des mouches qui cachèrent le soleil. Il y a eu le noir. Je ne sais pas, des milliards de, imagine des milliards de mouches qui attaquèrent. فأكل لحومهم وشرب دماءهم. Ils mangèrent leur chair et burent leur sang. ولم يترك إلا العظم. Ils ne laissèrent que l'os. ودخلت ذبابة في منخر النمرود. Et une mouche entra faire un tour, se promener dans les narines de Namrud. فتسببت في عذابه. Et lui causa une grande souffrance. فكان يضرب رأسه كي يستريح بالمطارق وبالنعال والناس تنزل عليه بالنعال لرأسه وهو يطلب اضربوا أكثر حتى يستريح. Et il frappait sa tête avec des marteaux, avec des sandales et tout pour se reposer, pour trouver un peu de tranquillité, parce que la mouche faisait son travail que Dieu lui a demandé de l'intérieur. Et ainsi de suite jusqu'à son décès, sous la souffrance. ومن فوق الجبال كان القرشيون وعلى رأسهم عبد المطلب. Et à partir du haut ou à partir des sommets des montagnes qui entouraient la Mecque, il y avait les Quraychites, ou ala ra'sihim Abd al-Muttalib, et à leur tête notre fameux Abd al-Muttalib, wa min baynihim Amina, et parmi eux Amina, hamilatan fi batniha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et portant dans le ventre notre prophète Muhammad, paix et salut sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Dallatan كلهم يتابعون كيف يحمي الله بيته. Tout le monde suivait comment Dieu allait-il protéger sa maison. وكانت هذه معجزة سبقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. سبقت ميلاده. Et il s'agissait par là d'un miracle du prophète paix et salut sur lui qui a précédé sa naissance. دالة على بركته التي ترافقه أينما كان. Un miracle indiquant sa bénédiction qui l'accompagne, la bénédiction bien sûr divine qui l'accompagnait là où il était. وبعد 40 سنة. Et après 40 ans, لما كفرت قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم. Lorsque les Mécois ont mécru à Muhammad, n'ont pas cru au message de Muhammad, paix soit sur lui, ذكرهم الله هذا الحادث. Dieu leur a rappelé cet événement في سورة الفيل, dans le chapitre de l'éléphant, قائلا, en leur disant, et surtout à Muhammad, paix soit sur lui, ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait des hommes à l'éléphant? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرَ نَبَابِيلٍ. Il envoya sur eux des vagues successives d'oiseaux. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِيلٍ. Qui les frappait avec des pierres de terre cuite. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Il les rendit comme de la paille mangée par la vermine. صدق الله العظيم. كان هذا في سنة 571 بعد الميلاد, ميلاد عيسى عليه السلام. Ceci a eu lieu en l'an 571 après Jésus, paix soit sur lui. وسمي هذا العام عام الفيل. Et les Arabes ont donné un nom à cette année spéciale, l'année de l'éléphant. Parce qu'ils n'ont jamais vu un éléphant. L'année de l'éléphant. وهذه هي السنة التي سيولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'était l'année de la naissance du prophète, paix soit sur lui. لأنه بعد شهرين سيولد النبي صلى الله عليه وسلم. Parce que juste après deux mois, il y aura l'accouchement d'Amina et il y aura la naissance du prophète, paix soit sur lui. هذا ما سنراه في الحصة القادمة. C'est ce qu'on va voir, inshallah, dans la séance prochaine. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لشركة فرغب للنشر والتوزيع. هاتف 0033614 8 01 134.